Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. D'abord, quelques infos. Mise à jour du petit guide des éditions faniques francophones de Jean-Pierre Kay. Voir www.42.org/pgeff/guide.html. Le 17 mai, on apprenait le nom des lauréats des prix Imaginal 2010. Justine Niogret remporte le prix Imaginal 2010 du roman francophone pour Chien du Home, paru chez Mnemos. Le prix Imaginal du roman étranger traduit est attribué à Juliette Maridier pour Sœur des Cygnes, tomes 1 et 2, publié chez La Talente. John Connolly se mérite le prix jeunesse pour Le Livre des Choses Perdues, paru chez L'Archipel. Le prix Imaginal de la Nouvelle est allé à Romain Lucaso pour Les Sept Derniers Païens, paru dans Les Héritiers d'Homère chez Argemios. Le prix spécial du jury a été décerné à Florence Magnin pour Contes aux quatre vents, publié chez DM. Pour plus de détails, voir www.imaginal.fr/page/prix. Lors du congrès boréal, les prix du même nom furent décernés. Laurent McAllister, pseudonyme emprunté par Yves Ménard et Jean-Louis Trudel lorsqu'ils écrivent ensemble, s'est mérité le prix du meilleur roman pour Suprématie, publié chez Bragelonne. Le prix de la meilleure nouvelle ou novella est allé à Alain Bergeron pour Or blanc, paru dans le numéro 171 de Solaris. Mario Tessier s'est mérité le prix de la meilleure production écrite hors fiction pour sa chronique Les carnets du futur Ribble, qui paraît dans Solaris. Le prix de la meilleure création artistique visuelle est allé à Gabriel Leblanc pour ses publications dans le fanzine L'Asile. Brin d'éternité a remporté le prix de la meilleure fan édition. Vous trouverez tous les détails à www.congrèsboréal.ca/fr/boréal. Les lauréats du Grand Prix de l'Imaginaire 2010 sont catégorie roman francophone, Justine Niogret pour Chien du Home, paru chez Mnemos. Jack O'Connell se mérite le prix du roman étranger pour Dans les Limpes, publié chez Rivage. Le prix de la nouvelle francophone va à Léo Henry pour Les trois livres qu'Absalon Nathan n'écrira jamais, publié dans Retour sur l'horizon chez De Noël. Ted Chiang se mérite le prix de la nouvelle étrangère pour Exhalaison, paru dans le numéro 56 de Bifrost. Le prix du roman jeunesse francophone va à Victor Dixon pour Été mutant, publié chez Jean-Claude Gasevich. John Connolly rafle le prix du roman jeunesse étranger pour Le Livre des Choses Perdues, paru à L'Archipel. Sylvie Miller remporte le prix de la traduction pour Interférence de Yos chez Black Coat Press. Alain Brion, celui du graphisme, pour Chute et rédemption chez Kalman Levy. Le prix de l'essai revient à Jacques Baudou et le prix spécial à Jean-Marc L'Officier et Brian Stableford pour leur travail chez Black Coat Press. Vient de paraître à la clé d'argent Satanachias et autres contes de Christophe Larta. Pour plus de détails, voir www.clé-argent.org/satanachias. Aujourd'hui, première partie des sorties chez les éditeurs dans les genres qui nous intéressent. Chez Actes Sud paraît 13 mauvais quarts d'heure d'Albert Sanchez-Pignol. Il s'agit d'un recueil de contes mettant en scène des créatures surréalistes. Trois titres chez Actes SF ce mois-ci. Le premier, Baroudeur de Jack Benz. Il s'agit d'une réédition. L'ouvrage ayant été publié chez le même éditeur en 2009. Le deuxième, Les Vestiges de l'automne de Robert Silverberg, traduction de A Piece of the Great World. 200 ans après le nouveau printemps, le peuple a rebâti une civilisation sur les ruines de la grande planète. Elle réserve toutefois bien des surprises aux héritiers de l'humanité. Ainsi, une colonie oubliée de seigneurs de la mer a survécu au long hiver en se réfugiant sur les rives de ce qui a été un jour la Méditerranée. Et lorsque la troublante Talarn propose à Nortiku de partir à leur rencontre, il est loin d'imaginer la détresse des derniers survivants des anciennes races. Mais leur désespoir est peut-être l'ultime legs de leurs mystérieux ancêtres. Le troisième, Le Volcrin de George R. R. Martin, traduction de Night Flyers. Ce roman fut d'abord édité en 1982 aux presses de la Cité. Mentionnons seulement que la présente édition a bénéficié d'une traduction révisée par Ayerdal. Chez L'Âge d'Homme sort Contes scientifiques d'Ivan Efremov. Deux titres chez Albin Michel Jeunesse, le premier Les deux royaumes d'Eddie Anderson. Il s'agit du deuxième tome du cycle Oscar Peele. Le second, Le Globe Céleste de Marie Rutkowski, traduction de The Celestial Globe, volume 2 de Les Chroniques de Chronos. Y a-t-il un danger plus grand que perdre sa liberté? Accusé d'avoir pillé le cabinet des merveilles, Petra est traqué par les hommes gris du prince Rodolphe. Sous la menace de ces créatures mi-hommes, mi-chimères, Petra s'enfuit à Londres avec Astrophile, sa précieuse araignée mécanique. Sa route croise alors celle de son pire ennemi, John Dee, qui lui offre son aide. Petra n'a d'autre choix que d'accepter cette main tendue, sans savoir qu'un objet peut encore la sauver, le globe céleste, la sphère qui permet de se déplacer d'un endroit à l'autre en une fraction de seconde. Chez Anne Carrière paraît le tome 2 de « Les eaux de Mortelune » de Patrick Cotias et Patrice Ordas. La Talente nous offre trois titres en mai. Le premier, « Métro 2033 » de Dimitri Glukowski. 2033. Une guerre a décimé la planète. La surface, inhabitable, est désormais livrée à ses monstruosités mutantes. Moscou est une ville abandonnée. Les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain où ils ont tant bien que mal organisé des micro-sociétés de la pénurie. Dans ce monde réduit à des stations en déliquescence reliées par des tunnels où rôdent les dangers les plus insolites, le jeune Artyom entreprend une mission qui pourrait le conduire à sauver les derniers hommes d'une menace obscure. Mais aussi, à se découvrir lui-même à travers les rencontres improbables qui l'attendent. Un jeu vidéo pour PC et Xbox a été adopté du roman. Le deuxième, Nation de Terry Pratchett. Le troisième titre, Le sang des Ambroses de James Inge, traduction de Blood of Ambrose. Derrière la vie du roi se tient le protecteur. Derrière le protecteur, son ombre est aux aguets. Le jeune roi Latmar est convaincu de sa disparition prochaine. Entre la mort suspecte de ses parents, l'armée privée de son oncle le protecteur du trône et les purges successives parmi ses proches, seule sa lointaine aïeule Ambrosia Viviana dresse un dernier rempart contre l'usurpateur. Sauf à faire appel aux frères d'Ambrosia, l'imprévisible Morlock Ambrosius, maître faiseur, sorcier, bretteur et redoutable ivrogne. Et, sauf à découvrir et vaincre, derrière le protecteur, le mystérieux marionnettiste qui jongle avec l'arme de ses proies et se prépare à dévorer l'Empire. Adrian Kent sort « Et qu'advienne le chaos » chez Attila. La maison qui glissait de Jean-Pierre Androvon paraît au Bélial. Deux titres à la bibliothèque interdite. Le premier, « Apôtre noir » d'Anthony Reynolds, traduction de « Dark Apostle ». Le deuxième, « Domination de Steven Savile, traduction de Dominion. Black Book sort Évolution de Sophie Dabal. L'importance de ton regard de Lionel Davoust, un recueil de nouvelles, paraît chez Black Coat Press dans sa collection Rivière Blanche. Chez Bragelonne, on publie 13 titres ce mois-ci. Le premier, À vos souhaits de Fabrice Collin. Il s'agit d'une réédition. Le deuxième, Ayesha, l'intégrale de la trilogie, par Ange. Réédition de Ayesha, la légende du peuple turquoise. Le troisième, Les chroniques des Féales, de Mathieu Gabory. Également une réédition. Le quatrième, La cinquième sorcière de Graham Masterton, traduction de The Fifth Witch. La cinquième, La dimension des ombres de Raymond Elias Fist, volume 2 de Crandor, la guerre des ténèbres, traduction de Into a Dark Realm. Le sixième, Lamentation de Ken Scholes, volume 1 de Psaume d'Isaac. Le septième, Légende de David Gemmell, volume 1 de Drenai, une réédition. Le huitième, Lord of the Ringard de Henry Baird et Douglas Kenny, traduction de Board of the Rings, une réédition. Le neuvième, Le Maître du Temps de Louise Cooper, aussi une réédition. Le dixième, La Moira intégrale de la trilogie de Henry Lovenbrock, une réédition. Le onzième, Hawk, l'intégrale de la trilogie de Stan Nichols, aussi une réédition. Le douzième, Waylander de David Gemmell, volume 3 de Drenai, une réédition. Le treizième, Wonderful de David Calvo, également une réédition. Dystopia sort Bara Yogoyi de Léo Henry et Jacques Buccelli, un recueil de cette nouvelle. Le Dieu vampire de Jean-Christophe Chaumette paraît chez l'éditeur. Noël 1476. L'armée de Vlad III est écrasée par les Ottomans et le voïvode de Valachie, surnommé l'Empaleur ou Draculé, trouve la mort dans la bataille. De nos jours, des archéologues exhument la tombe de Gengis Khan et découvrent un mystérieux sphéroïde. Les deux événements revêtent une importance capitale pour les membres de l'Ordre du Dragon. Ce qu'ils ont failli perdre au XVe siècle, ce qui vient d'être trouvé en Mongolie, représente pour eux puissance, longévité et extase. L'espoir de restaurer leur splendeur passée déchaîne leur fureur. Sophie Wang, une des scientifiques qui ont ouvert le mausolée de l'empereur mongol, devra affronter ceux que les légendes depuis les débuts de l'humanité ont appelés Vampire. Ancrage sort un ouvrage surgenré, signé Arnaud Huftier. Le volume 8 de La communauté du Sud de Charlene Harris, La mort est bien pire, est réédité chez Flammarion. Fleuve noir offre le volume 263 de Perry Rodden, ainsi que Ordre noir de Johan Hedlet. Au début de notre ère, Jean de Guichala, ultime défenseur du temple de Jérusalem contre les Romains, choisit l'un de ses guerriers pour lui confier la mission la plus sacrée qui soit, protéger l'architecte qui vit dans le Saint des Saints. Du désert de Palestine, en passant par les ruines de l'Europe et l'Amérique, Avry s'acquittera de cette tâche par-delà les siècles. De nos jours, Patricia, une enseignante, et Matthew, un avocat, vivent dans des États-Unis enlisés dans une crise profonde, née d'un interminable conflit en Asie. Leurs routes vont croiser celles d'Avry et des étranges enfants qui l'accompagnent, mais aussi celles d'organisations gouvernementales secrètes chargées de corriger les dérives de l'histoire et de lutter contre la résurgence du mal absolu, ennemi de toujours de l'architecte, Ordre Noir. Quatre titres chez Gallimard ce mois-ci. Quatre rééditions. Le premier, Gradicil de Adam Roberts. Le deuxième, Sumilacron 3 de Daniel F. Gallou. Le troisième, La tour de Babylone de Ted Chiang, traduction de Stories of Your Life and Other Stories. Le quatrième, Le trône d'Ébène de Thomas Day. Deux titres chez Grund, deux romans de Loïc Léo. Le premier, Les Amazones du ciel. Le deuxième, SOS sur son blanc, volume 1 et 2 de Le Club des chevaux magiques. Le tome 1 de Le Cercle secret de L.J. Smith paraît chez Hachette Jeunesse. Chez Hugo et compagnie, Vengeance de Carla Jablonski, tome 4 du cycle Timothy Hunter. Et voilà, la suite demain. Merci de votre attention. À bientôt.